Bonjour à vous tous, c'est le moment de suivre le journal de la mi-journée de ce 5 février 2022. Ce 5 février, le Burundi commémore le 31e anniversaire de l'adoption de la charte de l'unité nationale. À cette occasion, le vice-président de la République demande au Burundi de vivre une vraie unité et non unité verbale de nom seulement. Dans la rubrique justice, une peine à perpétuité et la sanction infligée par le tribunal de grande instance de Changuzo, Andaïdze Médard, le soir de ce vendredi, accusé par le parquet de Changuzo d'avoir enlevé, tué puis coupé en morceaux un enfant albinos. Son confrère Séchard ou Augustin a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement pour avoir facilité le transport à moto de cet enfant albinos. Et dans la rubrique éducation, un don de 80 millions de dollars américains a été octroyé au ministère burundais de l'éducation et de la recherche scientifique par la Banque mondiale. Cela a été annoncé ce vendredi lors de la présentation des réalisations du trimestre écoulé. Eric Ouimane assure la mise en onde et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, demande aux Burundais de vivre une vraie unité et non une unité verbale. Et de non seulement, c'est ce samedi à Gitega, lors de cérémonies de commémoration du 31e anniversaire de l'adoption de la charte de l'unité nationale. Il a aussi rappelé au public que la justice, l'unité et la paix constituent une trilogie, invitant ainsi les juges à rendre des jugements équitables. Le point avec Gérard Nibigira. Ces cérémonies se sont déroulées au monument de l'unité nationale de Gitega et ont été précédées par une prière œcuménique. Ensuite, des gerbes de fleurs ont été déposées à ce monument par respectivement le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, et les représentants du corps diplomatique et accrédité à Bujumbura. Dans son discours de circonstance, le vice-président Prosper Bazombanza a demandé à tous les Burundais de vivre une vraie unité et non une unité verbale et de non seulement. Il a ajouté qu'il est regrettable que les Burundais aient adopté la charte de l'unité nationale le 5 février 1991 et que 2 ans après, cette unité a été remise en cause. Là, le premier président burundais démocratiquement élu, Ndadaye Melchior, a été lâchement assassiné et des Burundais se sont entretués. Pour Prosper Bazombanza, cette triste expérience devrait servir de leçon aux Burundais afin qu'ils apprennent à cohabiter pacifiquement comme des frères et sœurs et que de telles expériences ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Le vice-président a aussi fait savoir que la justice, l'unité et la paix constituent une trilogie et que la disparition de l'une entraîne celle de 2 autres, d'où donc il a invité les juge à rendre des jugements équitables. À propos de l'unité et la paix, il a déclaré que c'est l'affaire de tout Burundais qui doit les défendre partout où il est. Il a en outre montré aux représentants du corps diplomatique et aux organisations internationales que la paix et la sécurité règnent au Burundi comme ils le constatent eux-mêmes. Ainsi, il les a exhortés à plaider en faveur du Burundi pour que les pays et organisations qui n'ont pas encore levé les sanctions prises contre le Burundi suivent l'exemple des États-Unis pour l'élever. Aux Burundais réfugiés dans différents pays, il leur demande de regagner le Burundi car la paix et la sécurité y règnent. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. À cette même occasion, l'expert en justice transitionnelle, professeur Jean Bosco Harerimana, trouve que les Burundais doivent vider leur contentieux historique pour arriver à la réelle cohésion sociale. L'autre point à aborder, selon Jean Bosco Harerimana, est relatif aux défis actuels, notamment les défis économiques. Il l'a dit au cours de l'émission Mosaïque à la radio-télévision Isanganiro. Suivez-le. Vider son contentieux historique, surtout sur le point de fracture. J'ai insisté sur la fracture ethnique, identitaire, mais aussi à d'autres fractures. Deuxième point, s'attaquer aux défis majeurs actuels. Je crois, nous venons d'avoir un forum de développement qui s'est tenu à Kigwawe. On a parlé de beaucoup de choses. qu'on s'attaque aux défis majeurs actuels et qu'on le communique. Comme ça, on mobilise les citoyens sur les voies et moyens d'affronter les défis majeurs, défis non humains, défis liés aux survies même du pays, de la nation, de l'État-nation. Problèmes économiques. Et il est possible d'aboutir à cette cohésion nationale effective. Oui, effective. Donc, c'est deux points. Vider le contentieux historique, s'attaquer effectivement aux défis majeurs actuels. Page justice à présent, une peine à perpétuité telle est la sanction infligée par le tribunal de grande instance de Changhuzhou à Ndaïdé Médard. Le soir de ce vendredi, il est accusé par le parquet de Changhuzhou d'avoir enlevé un enfant albinos puis de le tuer et de transporter son corps de Bujumbura à Changhuzhou afin de le couper en morceaux. Son confrère Sechahou Augustin a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement pour avoir facilité le transport à moto. Premier accusé, l'association des albinos à Changhuzhou salue le déroulement de ce processus du début à la fin. Les détails avec Roy Moudende. Au terme de l'audience publique de ce vendredi, sur les crimes d'enlèvement, de meurtre et de couper en morceaux le corps de l'enfant albinos tué, le tribunal de grande instance de Changhuzhou, sur base des enquêtes du parquet, qui ont révélé comment les prévenus sur le dossier ont échangé les messages téléphoniques depuis la commission du crime, Daïsé Médard, principal accusé dans ce dossier, a écopé d'une peine à perpétuité et d'une amende de 40 millions de francs burundais pour la victime. Son confrère Sechahou Augustin n'a pas pu écoper de la même sanction, mais le tribunal lui a infligé une peine de 20 ans d'emprisonnement et une amende de 20 millions qu'il devra payer à la famille victime. Sinon, il devra subir encore l'emprisonnement de 100 ans. Ces accusés dans ce dossier n'ont pas été satisfaits par le verdict. Mais Ndolichima Consolat, représentante des albinos à Changhuzhou, se dit satisfaite des sanctions à l'endroit des présumés auteurs. C'est aussi la satisfaction de l'assistance à ce procès et Mouitila Serge, un parmi eux qui a suivi le déroulement de ce procès du début à la fin, demande à l'administration de sensibiliser la population de Changhuzhou sur les pratiques superstitieuses qui existent encore et qui sont souvent à l'origine du meurtre des albinos. Et quant aux peines prononcées, le président du siège a révélé que ces peines ne sont ni amnistiables ni réduites. Depuis Changhuzhou, Raymond Dende, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons par l'éducation. Un don de 80 millions de dollars américains a été octroyé au ministère burundais de l'éducation et de la recherche scientifique par la Banque mondiale. Un don destiné à l'équipement des écoles techniques et des centres de formation technique et professionnelle à travers tout le pays. Ce don servira également à la création de l'Institut de transformation numérique à l'Université du Burundi, annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ce vendredi lors de la présentation des réalisations du trimestre écoulé. François Habyarimana a annoncé aussi que 600 000 élèves ont pu être nourris à l'école dans le programme des cantines scolaires suivies. Et je dois vous dire que c'est un financement de 80 millions de dollars qui sera utilisé dans le financement des écoles techniques, des centres d'enseignement des métiers et des centres de formation professionnelle, mais également le financement de l'Université du Burundi. C'est un financement qui concernera l'équipement de ces écoles, mais aussi le renforcement des capacités en entrepreneuriat pour les lauréats de ces écoles. Et ce financement permettra également la création d'un institut de transformation numérique à l'Université du Burundi, mais aussi ce financement permettra d'équiper ce nouvel institut. Dans le but de poursuivre et étendre le programme national d'alimentation scolaire, près de 600 000 élèves sont rationnés à travers 694 écoles fondamentales des provinces de Bubanza, Bujumbura, Chibitoke, Kirundo, Gitega, Muyinga et Ngozi. 650 directeurs ont été formés sur l'utilisation de l'application School Connect permettant la bonne gestion des cantines scolaires et 70 chargés des ressources humaines au niveau des provinces ont été formés sur la gestion de la carrière du personnel. Page santé à présent, plus de 200 personnes se sont dépistées du cancer depuis le début de cette année et parmi elles, 15% ont été testés positifs. Éclaircissement du médecin responsable au centre Boudjapat chargé de diagnostiquer le cancer ce vendredi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée le 4 mai de chaque année. Docteur, plutôt célébré le 4 février de chaque année, docteur Chami Mikaza conseille les gens de faire des dépistages régulièrement pour faciliter le traitement une fois atteint de cette maladie et si possible guérir la maladie. Suivez-la au micro de Jean-Marie Vianney Gendakoumane. Pour le moment, en analysant depuis le début de l'ouverture de notre centre, en 2019, on a pu faire différents examens histologiques au niveau de 760 examens histologiques durant l'année 2019. Et pour l'an 2020, plus de 796 examens histologiques. Et on a pu aussi réaliser 166 frottis cervicaux utérines sur le cancer du col de l'utérus. Et pour l'an 2021, on a pu y réaliser plus de 665 examens histologiques. Et plus, c'était ça pour le premier trimestre seulement et 220 frottis cervico-utérines pour le premier trimestre seulement de 2021. Prochainement, on va vous signaler les nouveaux chiffres, mais à partir de toutes ces données qu'on a pu avoir depuis 2019, on peut vous dire que plus de 15% étaient diagnostiqués positifs aux différents types de cancers. Et quelle tranche d'âge qui est plus touchée par cette maladie de cancer? La tranche d'âge auquel on interpelle de venir se faire dépister, même systématiquement, tous les 3 ans si possible, c'est la tranche de 25 à 65 ans. Sinon, il n'y a pas d'âge précis pour les autres cancers. On peut l'avoir étant enfant, étant adulte, étant vieux. C'est là où on interpelle toutes les femmes de 25 à 65 ans de venir ici se faire dépister. Et quoi faire pour lutter contre cette maladie? Il faut se faire dépister précocement. Plus on se dépiste précocement, plus on a de chances de faire le traitement et le traitement peut réussir à 100%. Mais si on ignore qu'on est malade ou bien qu'on porte les lésions qui montrent qu'on a tendance à avoir cette maladie avant, il n'y a pas beaucoup de chances de guérir. C'est là où il y a des métastases et autres problèmes après. Page agriculture à présent, les agriculteurs de la plaine de Gihanga, Manda et Muzinda se lamentent du manque d'engrais de type Totahaza. Ils disent que leurs champs rizicoles commencent à être endommagés suite au manque d'engrais et demandent au ministère concerné de résoudre ce problème. Le point avec Space Caritas Kabanyana. Ce vendredi, la colère était grande chez les agriculteurs que nous avons rencontrés tout près du hangar de stockage d'engrais chimiques au chef-lieu de la commune Gihanga. Ils disaient ne pas comprendre comment ils peuvent chercher l'engrais de type Totahaza toute une semaine sans en avoir et déplorent l'état des champs de riz qui commencent déjà à se détériorer suite au manque d'engrais. Et certains d'entre eux se demandent comment ils pourront rembourser les dettes contractées auprès des banques pour cultiver puisqu'ils risquent de ne rien récolter s'ils ne trouvent pas cette engrais. Au ministère de l'Agriculture, on dit ne pas comprendre ces lamentations. Elias Mundwanawake, directeur chargé de la fertilisation des sols, contacté au téléphone, explique que l'engrais est envoyé dans les provinces en quantité suffisante et beaucoup d'efforts sont mis sur 3 provinces, à savoir Bubanza, Chibitoke et Bujumbura, afin que les riziculteurs puissent bien appliquer de l'engrais dans leurs champs rizicoles. Il ajoute qu'il va suivre de près cette question depuis ce lundi afin de savoir l'origine de ces lamentations. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana et c'est par ce reportage que nous mettons un point final à ce journal. Mais dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse avec Mireille Kanyange et Eline Bell Nibigira. Isanganiro. de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Les séances des après-midi pourraient améliorer les résultats scolaires, écrit le journal La Voix de l'enseignant. En analysant les résultats des élèves aujourd'hui, les responsables scolaires trouvent que les échecs ne cessent d'augmenter. Pour pallier à ce problème, ils proposent qu'il y ait retour des séances de renforcement des après-midi. Les élèves et leurs enseignants trouveraient un temps suffisant pour les explications dans différentes matières, jugées vastes et pour faire plus d'exercices. Une idée non partagée avec les parents des élèves. Cas du lycée Rennes de la paix d'Ongagara. Pour les parents, dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, ces séances fatiguent les enfants qui ne vivent pas près de l'école. Ceux qui n'ont pas d'argent pour payer sont exclus, alors que l'enseignement fondamental est gratuit. Ensuite, poursuit la voix de l'enseignant, des enseignants ne font que donner des notes aux élèves pour les expliquer après-midi, car ils sont payés. Ils proposent plutôt de fournir beaucoup d'efforts et de donner des exercices suffisants aux élèves. C'est à la direction de suivre de près les enseignants dont les élèves échouent lamentablement. Le programme de cantine scolaire a été perçu comme une des solutions aux multiples défis qui hantent le système éducatif burundais, écrit le journal Iwacu dans son éditorial. Un projet de cantine scolaire endogène a été adopté par le gouvernement afin de réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire et encourager l'inscription et la fréquentation scolaire des enfants. L'insécurité alimentaire, la malnutrition, la pauvreté ont des répercussions sur des conditions d'apprentissage comme la faible assiduité, le manque de concentration, l'abandon scolaire et la baisse de niveau. L'enquête démographique et de santé au Burundi, poursuit le journal Iwacu, a révélé que près de 5% des élèves burundais du primaire abandonnent l'école pour des raisons économiques. Et c'est dans l'optique de répondre à ces différentes problématiques que le programme de cantine scolaire a été instauré dans les régions souffrant de l'insécurité alimentaire et les régions où les taux de scolarisation sont faibles. Il couvre pour le moment les provinces de Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Gitega, Kirundo, Muyinga et Ngozi. Selon l'enquête menée par Iwacu à Bubanza, la mise en place des cantines s'est traduite par l'augmentation des effectifs en classe, notamment des filles, l'amélioration des capacités d'apprentissage grâce à une meilleure attention des enfants, ainsi que de bons résultats scolaires avec une baisse du taux de redoublement et d'abandon scolaire. Revue de la presse. Le Burundi et la Tanzanie ont signé deux accords bilatéraux vendredi 28 janvier 2022 à Bujumbura, écrit le journal Burundi Echo. Le premier accord consiste en la construction du chemin de fer à écartement standard Uvinza Musongati Gitega sur un linéaire de 282 km. Le deuxième accord concerne la construction de deux ports secs à Kuala à 80 km de Dar es Salaam et Katosho à Kigoma, ce qui facilite la mobilité des biens et des personnes ainsi que le désengorgement du port de Dar es Salaam. Les travaux de construction du tronçon Dar es Salaam-Morogoro, distant de 300 km, arrivant à un taux d'achèvement de 98%, et ceux du tronçon Morogoro-Makutupora, au-delà de Dodoma, arrivent à plus de 77%, tandis que le marché de construction du linéaire Makutupora-Tabora vient d'être lancé il y a quelques semaines, fait remarquer l'hebdomadaire. Félix Tshisekedi exige toute la lumière. Ici, le journal L'Avenir de la République démocratique du Congo revient sur ce drame qui a causé la mort de 27 personnes. Selon ce journal L'Avenir, tôt le matin de mercredi 2 février, les vendeurs du marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula ont été surpris par un drame inhabituel à la base de 27 morts, dont 24 femmes et 3 hommes. Selon les informations fournies par ce journal, ce drame a été causé par une foudre qui a occasionné la coupure d'un câble de la ligne haute tension de la SNL sur l'avenue Malanda à Matadi Kibala, drame qui serait évité si le dossier de la construction d'un marché moderne à Matadi Kibala avait avancé. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Eline Bel-Niwigira et Mireille Kanyange. Excellent week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.